pour protéger la vie, pour encadrer la force et la faute. Car la liberté sans justice devient vite une autre forme de chaîne et de lutte. Ta loi protège les faibles et les forts. Tu poses des limites pour que la vie respire. Tu dresses la justice comme un... Liberté que tu nous donnes.